Combien de fois dans ma vie me suis-je assise en te demandant le chemin, en te demandant le chemin. Quelquefois tu m'as répondu, quelquefois tu m'as tendu la main, tu m'as tendu la main. Aujourd'hui le soleil chauffe la terre et les oiseaux te chantent, et les oiseaux te chantent, mais mon cœur souffre de ton absence, souffre de ton silence. Au revoir. Tout.